Mexico, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 16 août 2018, voici les grands titres. L'autorité de régulation de la filière café vient de revoir à la hausse le prix du kilogramme de café Parchwost qui coûtera au moins 1600 francs burundais. Sa commercialisation débute le 1er septembre prochain pour terminer le 30 du même mois. Il est interdit de faire circuler ce genre de café au-delà de 18 heures. Et les personnes porteuses de l'hépatite B sont estimées à 6% et près de 10% pour l'hépatite C, comme l'a précisé ce jeudi l'hépatologue professeur Renoba Nagirabiri dans un atelier de réflexion sur la problématique des hépatites. Et puis dans ce journal également, nous parlerons de l'importance de la formation professionnelle des prisonniers pour leur réinsertion sociale après libération. C'est l'objet de la chronique judiciaire qui terminera ce journal. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les émissaires du Bureau de la Facilitation vont rencontrer ce vendredi différents intervenants de la vie politique du pays selon l'agenda parvenu à notre rédaction. Cette délégation va d'abord recevoir les représentants du parti CNDD-FDD et d'autres partis non précisés. Cet agenda montre aussi que seront reçus par ces émissaires les représentants des partis de l'opposition, les représentants du corps diplomatique ainsi que l'un des anciens chefs d'État qui est au pays. Je venais de vous le dire, le prix minimum du café Parchwost par campagne café 2000, pour la campagne café 2018-2019 est fixé à 1600 francs burundais par kilogramme, sans aucune charge aux producteurs. C'est une annonce du directeur général de l'autorité de régulation de la filière café ARFIC. Dans un point de presse tenu dans l'après-midi de ce jeudi, ingénieur Emmanuel Niungeko a précisé que la commercialisation du café Wost est autorisée à partir du 1er septembre au 30 septembre de cette année. Entre autres mesures prises également par l'ARFIC, il y a l'interdiction de faire circuler le café Wost au-delà de 18 heures. Suivez-le. Au niveau de la commune, tout collecteur intéressé devra adresser une demande de collecte du café Parchwost à l'ARFIC avec un sous-couvert de la commune. Au niveau de la province, le collecteur intéressé devra adresser une demande de collecte de café Parchwost avec un sous-couvert de la province. Il s'agit ici des grands collecteurs qui transportent en fin de compte le café dans les usines de départchage et de conditionnement. Tenant compte de la situation des cours de New York et d'autres éléments qui entrent en jeu de la transformation du café jusqu'à l'export, le prix minimum du café Parchwost pour cette campagne café 2018-2019 est fixé à 1600 francs pour le kilo sans aucune charge aux producteurs. La commercialisation du café Wost est autorisée à partir du 1er au 30 septembre 2018 pendant les jours et sur les places que l'administration communale va fixer et indiquer. Tout café Wost acheté dans une commune doit être taxé par cette dernière avant son embarquement à réseau de 46 francs bour par kilo. Le transport du café par chez Wost d'une province à l'usine de départchage nécessite obligatoirement une autorisation provinciale incluant l'itinéraire en se référant à une fiche produite par l'ARFIC. Il est strictement interdit de faire circuler le café Wost au-delà de 18 heures. Nous profitons de l'occasion pour interpeller l'administration, les forces de l'ordre, tous les acteurs de la filière et la population de veiller au respect de ces mesures. C'était le directeur général de l'ARFIC, l'autorité de régulation de la filière café. Ses propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Les personnes porteuses de l'hépatite B sont estimées à 6% et près de 10% pour l'hépatite C. Comme l'a précisé ce jeudi, l'hépatologue professeur Renovan Hagilaviri, dans un atelier de réflexion sur la problématique des hépatites, ces maladies manifestent les symptômes trop tard à leur état grave. Il interpelle donc tout un chacun à faire un dépistage précoce pour prendre les mesures qui s'imposent. Le traitement des hépatites virales restant encore cher jusqu'à plus ou moins 2 millions de francs burundais. Suivez. La problématique des hépatites au Burundi, je dirais que c'est une situation préoccupante. La situation épidémiologique, c'est-à-dire combien sont infectés ou porteurs de ces virus, c'est à peu près 8 à 10% pour le virus de l'hépatite C et 4 à 6% pour le virus de l'hépatite B. Et la gravité de ces virus, c'est que la maladie que ces virus induisent reste très longtemps sans signes, sans symptômes. Et les personnes se croient normales. Après, quand on a les symptômes, c'est souvent au stade de complications irréversibles. Donc, il faut faire un dépistage, un diagnostic précoce, un traitement ou une prévention. La situation épidémiologique des hépatites n'est pas bien connue parce que les gens ne se font pas soigner. Les gens ne se font pas dépister. Les gens ne se font pas suivre. Le moyen et court terme, il faut se dépister. J'invite tout le monde à un dépistage et à la vaccination si on n'a pas l'hépatite B, un suivi médical si on a l'hépatite B, un traitement si on a l'hépatite C et l'éviter, ce qu'on appelle les mesures d'hygiène universelles, éviter le contact des produits sanguins et du sang, éviter le contact des liquides biologiques, faire un comportement responsable, tout cela pour éviter d'attraper le virus de l'hépatite C. Les médicaments de l'hépatite C, d'abord, coûtent encore cher. Mais si on a la chance de découvrir cette hépatite au stade précoce, on peut avoir même une année, deux ans pour se préparer au traitement. Pour le vaccin, avoir les avantages du vaccin, pour la plupart des Burundais, c'est accessible. Il suffit de budgétiser cette activité. 90 000 francs à débloquer dans 6 mois, je pense que c'est vraiment possible. Pour continuer ce journal, nous parlons de l'Assemblée nationale qui vient de voter à 100% ce jeudi le projet de loi relatif à la stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques. Un projet de loi qui présente des avantages et pour les éleveurs et pour l'État, selon le ministre Lourema qui était l'invité de la Chambre basse du Parlement pour expliquer le projet. Il faut des animaux qu'on est capable d'élever, ce qui permet la réduction des maladies contagieuses, mais aussi il y aura l'augmentation de la production, notamment pour l'élevage des bovins. Suivez-le au micro de Léonce Vitalio. Nous voyons aussi qu'il y a une valeur ajoutée en termes de la production de la fumure organique et cela va augmenter sensiblement la production. Et puis une autre chose, il y aura création d'emplois au sein de la population et d'autres opportunités, par exemple les vendeurs de plantes fragiles, les coopératives qui vont se mettre ensemble pour la collecte des produits, mais aussi des privés ou des coopératives qui pourront mettre en place des unités de transformation des produits laitiers. Des éleveurs de vaches pourraient se voir obligés de vendre une partie de leur troupeau. C'est toujours un avantage ou c'est une perte? Vous savez, nous avons des témoignages des paysans ou d'autres personnalités qui viennent nous informer qu'ils avaient un nombre pléthorique de vaches sans rendement. Alors quand ils ont opté pour recycler ces animaux non rentables, en des animaux qui ont une productivité considérable, donc les races améliorées, ils ont trouvé qu'ils ont gagné d'abord en termes de dépenses qui étaient liées à l'alimentation de ces animaux, mais aussi ils ont gagné en termes de dépenses qui étaient affectées aux gardiens. Un projet pour les éleveurs, c'est aussi un offre de soulagement pour les agriculteurs. Je vais parler de cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Oui, il y aura limite de disputes. Vous savez, les animaux détruisent les champs des paysans ou des ménages voisins. Alors, cette fois-ci, ces genres de conflits vont diminuer considérablement. C'était le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage des Ogide Rurema au micro de Léonce Vitalio. Certains producteurs de manioc de la zone Minago en commune et Provence Rumonge apprécient la valeur ajoutée de l'écoulement de leur production à l'usine de la coopérative Urumuri de Minago par rapport au prix du marché local. Le chef de la colline Minago confirme lui aussi que cette coopérative est d'une grande importance pour la population. C'est un reportage de Lydia Gahimbare. Ces producteurs du manioc de la zone Minago disent que cette coopérative vient au moment opportun où ils vendent leur production à un prix connu. Ils font savoir également qu'ils y trouvent un léger mieux d'écoulement de la production par rapport au marché local. Nous avons vu une grande différence. Nous avions l'habitude de vendre directement après la récolte. D'abord, une panier de manioc. Si on le va au marché, on te donne le prix au hasard. Mais ici, à la coopérative, il y a des prix fixes. Tu viens avec ta récolte, tu sais combien de kilogrammes et la somme d'argent tu vas avoir. Le représentant légal de cette usine, Daïsaba Jemsi, dit qu'il transforme des différents produits à partir du manioc, entre autres de la farine, du fumier organique et des termitières où poussent les champignons et autres. Ici, on travaille le manioc et tout ce qui peut donner la farine de manioc, trois sortes, et on fait aussi des beignets, des feuilles de manioc, isombe en kirundi, et on utilise même les restes des déchets en utilisant comme fumier qu'on utilise dans nos champs. Voilà, Chikriye Pascal, chef de la colline Minago, apprécie les activités de cette usine locale. Il demande à toute personne habilitée de soutenir les producteurs de manioc. On voit des gens qui viennent de partout, pas loin de Rumonge, qui sont dans les grandes associations des agriculteurs, qui viennent chercher le marché ici dans les voitures. Ce que nous demandons, c'est que ces agriculteurs puissent avoir des gens qui soutiennent leur association et cette dernière pourra se développer et ceux qui n'ont pas encore compris verront qu'ils sont en arrière dans le développement. Cette usine locale de Minago peut aussi produire de la farine à partir des manioc à l'état frais. Le Mongue, Lydia Gahimbale pour la radio Isanganiro. Merci Lydia, on reste dans le sud du pays pour vous dire que le Sénat burundais a analysé le projet de loi d'un don pour la réhabilitation de la route nationale numéro 16 Bururi-Gitega phase 1 pour un montant de 48 millions de dollars et la route nationale numéro 3 Nyanzala-Kerumonge pour un montant de 68 millions de dollars. Comme l'a indiqué Jean Bosco Nzuenimana, ministre en charge des transports, travaux publics et aménagement du territoire, la réhabilitation de la route Bururi-Gitega durera 24 mois, tandis que celle de Nyanzala-Kerumonge durera 56 mois. Dans les interventions des sénateurs, ils ont insisté sur des routes qui sont construites mais qui ne durent pas longtemps. Reportage Namianda Ikeje. La majorité des sénateurs ont posé la question de savoir pourquoi on construit des routes, mais après un certain temps, elles deviennent impraticables. Et quant à celle de la ville de Bujumbura, qui enregistre beaucoup de nids de poules. Ceux qui construisent les routes, mais après 3 ans ou 5 ans, la route est détruite, alors que cette route a été construite au vu et au su de l'administration et que les expertises ont été faites, mais on nous fait une route fragile. On doit comprendre que ça ne sont pas des jeux, la construction d'une route. Si nous voulons le développement, alors construisons des routes solides et durables. La sénatrice Immaculée Ndabanede a demandé pourquoi on continue à donner les marchés aux mêmes personnes alors qu'on voit que même les routes qu'ils ont construites n'ont pas duré. Nous demandons au ministre sur d'autres routes que nous voyons pourquoi ceux qui font les expertises sont les mêmes personnes et continuent d'avoir les marchés de faire ces expertises alors que les choses ne sont pas comme nous le souhaitons. Le deuxième vice-président du Sénat indique que c'est dommage pour le gouvernement de voir les routes construites à des coûts exorbitants, mais qui se démolissent seulement quelques années après la réception. On voit des routes qui nous coûtent beaucoup d'argent, mais après quelques jours, on voit des nids de poules. Vous demandez ce que nous allons faire pour que les routes qui seront construites dans les prochains jours soient durables. Son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est dommage de voir que les routes sont construites et après quelques années, personne ne peut oser passer sur ces routes. Le ministre des Transports a répondu à toutes ces questions en disant que ces routes seront construites en béton bitumineux pour qu'elles durent, ce qui n'était pas le cas avant. Il indique également qu'une loi en matière de sanctions sera appliquée pour l'ouvrage qui n'est pas bien fait. Et quant aux rues de la mairie de Bujumbura, c'est ce dernier qui est responsable à travers le service technique comme la CETEMU. Ces deux projets de loi, un porte ratification de l'accord du prêt saoudien pour le projet d'aménagement et de bitumage du RN16 Bururi-Gitega, l'autre constitue l'accord du prêt du fonds coercien pour la construction de la RN3 Bujumbura-Nyanzara-Ke. Tous ont été approuvés à l'unanimité par la Chambre haute du Parlement. Namia Ndaïkeje, puisqu'on parle des routes, parlons aussi environnement pour vous dire qu'un incendie s'est déclaré dans les massifs de Kibimbi et Nanzerwe depuis la nuit de mardi L'instaurine Jimberé, l'administrateur de la commune Abururi, soupçonne les gardiens de troupeaux de vaches ainsi que les éleveurs et serait à la recherche des suspects en collaboration avec la police. Et une personne a été blessée ce matin lors d'une explosion de grenade qui s'est produite dans la vallée de Kato, c'est en commune Rutovu de la province Bururi. Selon des sources policières administratives à Rutovu, l'explosion a été due à la chaleur produite par des herbes qui brûlaient sur un terrain de culture. Et la victime, un berger, gardait les vaches tout près. Il reçoit des soins à l'hôpital, selon l'administrateur communal de Rutovu. Radio Isanganiro, chronique justice. Les prisonniers doivent bénéficier d'une formation professionnelle destinée à leur réinsertion sociale après libération. Cela ressort de la loi burundaise portant sur le régime pénitentiaire, mais également des statuts internationaux relatifs au traitement des prisonniers. Maître Fabien Segatkwa précise que cette formation est nécessaire, d'autant plus que la volonté de la justice dans l'incarcération des délinquants est de les ramener à l'ordre dans le respect de la loi. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Wukayenet. Le but d'une peine infligée par la justice est de ramener le délinquant sur le droit chemin. C'est pour cela que la justice doit veiller à ce que la vérité soit dite, prononcer une peine pour une infraction commise et éviter de condamner un innocent. Maître Fabien Segatwa explique qu'il doit être réservé un traitement humain aux prisonniers à l'intérieur de la prison. Un condamné reste un être humain. Reste un citoyen qui doit être traité humainement. Donc, c'est inutile d'ajouter à cette peine grave d'autres peines qui seraient inhumaines ou dégradantes. Donc, ce qui veut dire qu'il doit être traité humainement et expier sa peine dans la dignité. Une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2015 relative au traitement des prisonniers, dite règle Mandela, ainsi que la loi burundaise de 2017 sur le régime pénitentiaire, insiste sur la formation professionnelle dans le but de préparer les prisonniers à la réinsertion sociale. Depuis longtemps, on avait privilégié en fait une certaine formation pour que les détenus puissent, après leur libération, être utiles à la société et surtout être utiles à eux-mêmes parce qu'ils doivent exercer un métier. Sur 11 prisons que comporte le Burundi, en général, 4 adoptent plus ou moins la formation professionnelle dans certains métiers. Les prisonniers qui ne suivent pas la formation, faute de moyens, font des activités liées à l'agriculture et l'élevage dans les prisons qui en ont la possibilité. La population carcérale dépasse 10 000 prisonniers dans les 11 prisons burundaises qui étaient destinées à plus de 4 000 prisonniers. C'est pour cela que l'administration carcérale manque de personnel suffisant pour le suivi et la formation professionnelle, indique Gervais Rajayandi, directeur général des affaires pénitentiaires. Il y a un défi, surtout lié à la surpopulation carcérale, parce que quand on a beaucoup de personnes dans un espace qui est très réduit, c'est difficile d'organiser d'abord des métiers pour tout le monde parce que avec l'insuffisance du personnel, c'est difficile d'atteindre tout le monde pour la formation. Très peu sont formés au métier. Il y a aussi un problème de l'insuffisance, de manque du matériel. Les prisons doivent également séparer les prisonniers suivant les infractions commises, mais aussi séparer les condamnés et les prévenus, comme cela ressort de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2015 relative au traitement des prisonniers. Maître Fabien Segatwa explique que le non-respect de la résolution à ce sujet est un défi quant à la réinsertion. Si vous les mettez ensemble, quelqu'un qui entre en prison avec de bonnes intentions peut effectivement être en contact avec les gens qui peuvent le conduire plutôt à se radicaliser au lieu de le conduire à s'amender. Le suivi d'un prisonnier pour sa réinsertion sociale après la prison est également nécessaire, ce qui fera objet de la prochaine chronique. Merci Alain, c'est la fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, Ndouimana, passez une très bonne soirée.